En fait, je voulais vous amener à commenter en lien, entre autres, avec l'instruction supramentale, étant donné que, tout comme moi, pendant plusieurs années, vous êtes intéressé, entre autres, au matériel de Bernard. Puis, l'un des sujets qui m'avait un petit peu contrarié, c'était de voir toute l'hypocrisie du monde supramental. Ben, c'est normal. Oui. Non, mais c'est du monde ordinaire, tu sais, je veux dire, on prête des intentions. Encore une fois, on a des attentes de gens qui se disent intelligents. On s'attend à ce qu'ils soient intelligents, mais ça, je veux dire, c'est encore des attentes de projeter sur les autres des attentes ou de... Non, on est vulnérable. En tout temps, on peut se faire piéger, n'importe quand. Moi, j'ai vu Daniel Ménard se faire piéger dans ma vie. Tu sais, faut le faire, Chris, quand même, là. Il y a du monde qui se font, on peut se faire ramasser n'importe quand. Alors, ce que je préconise, s'occupe toi de tes culottes, puis check ton astralité, puis se faire l'astral des autres. C'est ça, l'hypocrisie peut être au niveau des gens, mais je voulais l'entendre aussi au niveau des plans. Ça, c'est un aspect que Ben, Bernard a dévoilé, c'est-à-dire le mensonge cosmique, puis les sphères qui mentent à l'homme au lieu qu'on les mette sur un piédestal. L'hypocrisie, dans le fond, quand la personne intègre sa conscience, à un moment donné, dans un de ses enregistrements, Bernard discutait avec une dame qui lui demandait si Dieu existe. Puis lui, il y a répondu, ben, pour vous, madame, oui, le Dieu existe. C'était comme pour lui faire plaisir ou la sécuriser, mais en Non, réalité. pour pas faire de shot d'un gens. Et Christ, c'est dur à comprendre ça. Hein? Ben oui, ben pour la protéger, c'est pour ça que je disais la sécuriser, la mettre comme en confiance, mais en Non, faisant la ça. sécuriser, c'est pour pas y créer de choc. C'est pas pareil. Ben pour Ben, il porter sa reste honnête sensibilité. sans. Il te dit, là, tu sais, je veux dire, il reste honnête en disant vraiment, tu sais, je veux dire, il ment pas non plus sur ce qu'il pense, mais en même temps, il va pas jusqu'au bout. Ben, c'est. Ben, il essaie pas de Mais. changer l'autre non plus dans sa croyance, tu C'est ça. Mais il croyait pas à l'existence d'un Dieu chrétien, comme pouvait sous-entendre la dame, là, tu sais. Il dit pour vous, madame, c'est oui. Il n'a pas dit pour l'ensemble, c'est oui. Il a dit pour vous. Et là que ça devient intelligent, l'intelligence. C'est individuel, on le dit, c'est individuel. Si la personne. Je vais sortir en consultation, il y a des gens qui m'arrivent avec des croyances, là. Je commence pas à lui rentrer dedans et dire des idiots, là. C'est quoi cette affaire-là? Au contraire, des béquilles sont nécessaires pour beaucoup de gens présentement. Puis on a tous des petites béquilles, là. Il y en a moyennes, il y en a des plus grosses, mais on a tous une compensation quelque part, une incapacité des fois de tout de suite intégrer quelque chose. Donc, il faut avoir des ailes quand on travaille avec les gens, quand on parle, faut faire attention individuellement. Si nous, on se parlait, on accepte de se corriger individuellement, de faire du talking partner que Des j'appelle, ça, ajustements c'est autre vibratoires entre interlocuteurs de conscience nouvelle. chose. Ça, c'est autre chose. Donc, là, Non, moi, non, maintenant, je discute avec je David, puis on sais. décide que tu m'ajustes la parole. Si je dis quelque chose, tu trouves, tu vas dire, mon homme, moi, je trouve que tu as la face. Ça, on s'entend là-dessus. Il y a une entente de se parler de même, mais sinon, mets toutes tes affaires dans la vie, là, tu sais, Non, c'est reste. ça, mais c'était pour dire que dans le fond, le jeu qui est dénoncé du mensonge cosmique. Pour Ben ça, respecter tout ça. l'équilibre de la personne, il faut que tu sois hypocrite avec elle pour dire, ben oui, le Dieu, il existe. Mais à ce moment-là, d'un côté, ça protège la personne avec des béquilles, mais ça nourrit le mouvement du mensonge puis la désinformation en même temps. Pourquoi Je trouve pas. excusez. Je trouve pas. Dans le fond, ce qu'il dit, il dit, oui, ça existe pour toi, mais c'est une image que tu as. C'est ça? Mais en même temps, c'est comme s'il disait, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à l'autre bord de la forme pareil. Non. C'est respectueux des deux bords, je trouve. C'est ça que c'est Ouais. intelligent. Excusez, je pense que ma parole, il faut que je la corrige. Je m'étouffe. Ben, si ça te fait rire, pourquoi pas? Ah, oh, je dis pas mal, ouais. Ben oui, mais je suis d'accord avec Bertha. En tout cas, moi, je trouve ça respectueux. C'est parce que là, tu parles les forces qui manquent. Ça, c'est une chose. L'astral nous ment, pour moi. Le contact, le monde supramental ou le monde des cerveaux éthériques, appelez-les comme vous voulez, là, eux autres, ils ont une autre fonction. Ils nous disent pas toujours la vérité, on le sait. Même que, en fait, ils nous cassent la croyance, puis toute l'attente, puis Je le vis, dernièrement, je fais des tests avec eux autres parce qu'ils m'ont tellement menti à un moment donné que je voulais plus rien savoir d'eux autres, ni d'un bord, ni de l'autre. Fait que tu vas devenir détestable, mon nom, c'est-à-dire ne plus être testable. Ouais, je suis assez détestable déjà. Mais ceci dit, là, dernièrement, je leur, tu sais, ils veulent qu'on soit en contact, qu'on soit en contact avec ça, mais ils nous manipulent. Fait qu'à un moment donné, je dis, va chier, mange de la merde, t'écoutes plus. T'arrêtes pas de me mentir. Là, ils ne mentent plus. Moi, petit tenant, ils ne Pour mentent combien plus. de temps? La question qui se pose, c'est pendant combien de temps? On verra. Je mets tout le temps. Si moi, je suis testé, je le teste aussi. Oui, c'est ça, mais c'est que ça demeure qu'on est coincé dans une situation de désinformation, désinformation qu'on connaît à travers les médias, les gens de notre environnement, puis l'information intra-psychique qu'on peut avoir accès. C'est de la formation dans le fond. Ce que ça veut, c'est qu'on arrête de croire. Fait que quand t'y crois, ils te mentent, puis quand t'y crois plus, ils te mentent pas. C'est ça, voilà, C'est c'est ça. ça, moi, que j'ai vécu avec ça. Exactement ça. Mais même si t'y crois plus, puis à un moment donné, ils te mentent pas parce que tu montes en colère mentale, la minute que tu descends la garde ou que ta vibration est un peu plus bas, tu peux tomber dans une zone où ce que tu vois plus clair, où il y a du doute, où il y a de l'incertitude. En tout cas, c'est mon expérience, là. Oui. Si tu te dis toi-même, tu as du doute et de l'incertitude, fait que c'est sûr qu'ils vont te manipuler. Exact, mais je veux dire, c'est que le niveau. Cet état-là pour brûler l'état, justement, C'est du ça, doute. mais c'est parce que le niveau énergétique, pour rester élevé vibratoirement, pour être capable des à côté ou d'horizontaliser le rapport au plan de la lumière, est tellement élevé. Qu'à quelque part, c'est quasiment inhumain ou difficilement soutenable en permanence, là. Ben, moi, ben, ce que j'allais dire, une affaire que j'ai remarqué, c'est à mettons que je crois plus pantoute, puis je n'écoute plus pantoute, là, ça peut être des mois, puis des mois, puis des mois, il n'y a rien. C'est ça. T'es laissé tout seul. Parce qu'en plus, il faut qu'on soit pas dépendant. C'est vraiment comme, en tout cas, moi, je le perçois de même maintenant. Puis, j'ai même déjà mené, dis là, tu fermes ta gueule, je veux rien savoir. Quand je vais te poser une question, tu me répondras. Point la ligne, parce que j'ai pas besoin de vivre avec ça tout le temps. Moi, là, une vie à vivre, sa vie, c'est une planète à trois soleils, c'est une image, là. Mais la planète ici, là, ça demande beaucoup de contenance. Puis, on vit un monde très, très dense présentement, beaucoup d'astralité sur la planète. Moi, j'ai besoin de toute mon énergie pour me contenir, puis rester dans un monde vie à vie dans ce monde-là. Là, j'ai pas besoin de me faire instruire des conneries qui ne me servent à rien au quotidien. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, si on a une attitude pragmatique, c'est-à-dire s'occuper de ses finances, sa santé, ses relations interpersonnelles, le couple, juste avec ça, ça peut nous occuper là, essentiellement là, en termes de priorité de vie, là. Une famille, dans ton cas, là, t'as un petit enfant là, Oui, j'ai qui une petite ça fille. occupe, hein? Comment? Ça occupe. Ah oui, ça c'est clair. C'est ça, vivre notre vie, là, vivre nos vies. Mais moi, quand je pose une question, j'ai une réponse maintenant bien claire. Mais si je pose pas de questions, ils me foutent la paix. C'est ça, je veux dire, ça me fout la paix. J'ai pas des questions 3 minutes. Aux 3 minutes, on finit par même période de questions. D'ailleurs, Bertolt, je suis sûr qu'il va convenir avec ça. Oui, on le voit hocher de la tête. Ben oui, ben moi, je vous ai observé dans le fond. C'est C'est ça. tout. J'observe ce qui se passe. Mais le reste, là, je peux me référer à tout, à comme il y a 5-6 ans, qu'à chaque affaire, à chaque aspect de ma vie, j'allais par en dedans, questionner sur tout. C'est là qu'il Puis, nous manipule, honnêtement. ben oui, puis on se met dans la Si on merde. croit, ouais. Ben, tu veux le savoir, c'est quoi l'expérimental, tu veux l'avoir. Parce que là, on se met en expérience. On se met en initiation, dans le fond, puis là, on se met dans plein de problèmes. Puis là, à un moment donné, c'est que mais quand tu l'as compris, ça, t'arrêtes de questionner sur tout, puis de croire n'importe quoi. Exactement. C'est ça le but, je pense, de ce qu'on dit, c'est on dit de la désinformation. Moi, je vois ça comme de la formation, À même si ça l'esprit prend des années. critique. Dans un sens, il nous forme à développer un esprit critique en étant désinformé par eux pour nous sortir de la naïveté.